spéciale dédicace à Daniel Marcoux, qui, à chaque semaine, place dans notre ordinateur CKRLien l'émission Errance canadienne. Merci l'artiste. Aujourd'hui, le lundi 26 février 2018. Monte le volume. Monte le volume et hume la différence. C'est parti, mon kiki. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL, le 89.1 FM à Québec, la plus vieille radio associative francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bintumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Bingo, tu fais pas vos cartes. Vous êtes à l'errance reynaldienne jusqu'à 2h du matin. J'espère que tout va bien chez vous. Mois de février, ça va tranquillement. Mes chances de gagner au bingo aussi. Je me sens comme un oublié dans la chance, un oublié dans le microcosme de la chance. Quoique, j'ai jamais cru à la chance. Une chance. Il y en a tellement qui y croient, madame. Ça n'a pas de bon sens. Tellement d'individus qui se rallient, qui se collent, qui se racolent, qui lèchent leurs billets gagnants, on se dit jamais, ça peut porter chance. Et la chance, la chance, la chance. Une autre connerie qui nous ont rentré dans la matière grise et peut-être même dans l'inné. Personne ne le sait, peut-être des savants. Il y a quelques années, ont vu qu'il y avait des choses à faire avec la chance. Se sont dit que, comme la société s'en va à sa perte, ils se sont dit, ben avant, on va soutirer quelques billets de dollars à nos contribuables, à nos citoyens, aux gens qui s'imaginent que ça peut exister. Puis comme ça, ben, c'est comme ça que tu entends des phrases comme, « Oh, je vais vous prendre une loterie, mais la sœur de mon beau-frère a gagné. » C'est bizarre, hein? C'est la sœur du beau-frère, c'est la tante de la voisine, mais c'est jamais quelqu'un de direct. C'est pas « Hey, écoute bien, je vais te prendre un billet de loterie parce que mon mari a gagné! » Non, c'est pas direct de même, là. C'est tourné autour du pot et le pot est rempli d'argent. Tout le monde tourne autour du pot, voit les grains d'or qui brillent, qui scintillent, et les innocents vont se laisser avoir. Heureusement qu'il y a des innocents dans la société, madame, là. Heureusement. Plus il y a d'innocents, plus on fait d'argent. Imaginez-vous si c'était tous des intellectuels qui réfléchissaient, qui seraient là avant, devant la caisse, et se poseraient les bonnes questions, là. Ouais. Écoute, là, j'ai 3 $ à dépenser. Là, j'ai 3 $ parce que j'ai passé une journée quand même assez difficile au bureau. Là. Ma secrétaire n'a pas voulu faire des heures supplémentaires. Ma femme n'a pas voulu préparer le repas. Les enfants n'ont pas voulu quitter la maison. Et le chien n'a pas voulu faire ses petits besoins à l'extérieur. Donc, je suis dans la misère noire. peut-être que... Je sais pas pourquoi on dit de la misère noire. Encore du racisme. Y en a-tu des mots en noir qui signent sous le couvercle du négativisme? Sauf une qui m'arrive à l'idée, là. Hey, j'ai eu un fun noir. Une expression québécoise. J'ai eu un fun noir. J'ai eu du plaisir à volonté. J'ai comme été au zénith, au septième ciel de cette grande fête, cette rigolade où j'ai eu un fun noir. Au moins, on n'a pas, hein, on n'a pas sorti l'adage « j'ai eu un fun blanc ». Alors, pour venir à billet de loterie, le monsieur, 3 $ là, l'intellectuel qui se pose des questions, depuis qu'il s'est marié avec sa femme, puis à côté avec sa maîtresse, puis les petites rencontres intimes là, qui se passent, hein, à travers la vie, là, quand tu zigzagues, tu te places un poteau, puis autour du poteau, ben, tu peux tisser, un peu comme l'araignée. Ton parcours, ton circuit. Et c'est dans ce circuit-là que tu te sens à l'aise. Tu sais que le mardi, la petite Rita Toulouse, ah, ben ouverte aux rencontres excitantes. T'appelles ta Rita. Rita, c'est Jean-Charles. Ça va pas très bien au bureau, là. Ma secrétaire, elle veut pas faire des os. Est-ce que je peux prendre un petit café jus d'oise, s'il te plaît? Moi, je suis rendu à mon troisième café. Moi, je mets pas de crème. Hein. Tu sais, moi, j'aromatise, oui. Non, pas de la crème. Non, moi, c'est le meilleur. Non, avec l'alcool. Exactement. Là, je suis rendu que je mets juste une petite base de café. Je remplis le reste de ce que je t'ai dit, là. Puis ça va très bien. Est-ce que je peux aller visiter ta demeure? Dans tous les sens du terme, excuse-moi. Ben oui, c'est pas ça que j'ai voulu dire. Comment ça, je suis un cochon, un pervers, je t'appelle juste quand même. Voyons donc, ma chérie, t'as pas besoin d'argent? Bon, hein, on parle le même langage. Hein? Moi, je fais de la loterie, tu vas gagner ma chanceuse, au moins à part j'arrive. Oh, il se passe des affaires dans le monde. Fait que là, le gars, il était, hein, l'intellectuel, 3 $. Je reviens. Te raconter cette histoire de ce 3 $ d'un intellectuel qui voulait le dépenser. Et voilà ce qui est arrivé. Je sais même pas ce qui est arrivé. On fait de l'improvisation, là. Pensez-vous que je sais déjà le dénouement de l'histoire? Je pourrais faire entrer un voleur, moi, là, puis il y a une tuerie, puis le bonhomme est mort avec son 3 $ dans les mains en le serrant très fort. Je peux finir de même si je veux. C'est moi qui décide, c'est moi qui ai mon dieu narratif. En littérature, si vous avez étudié, mademoiselle, à l'université, malade, oh, d'accord. Est-ce que l'université est sous antibiotique? Excusez. Mais non, ça va très bien, moi. Ah oui, je mange mes 3 porcs par jour. Mes selles sont consistantes, ça va très bien. Et donc, l'histoire du bonhomme, excuse-moi, c'est pas un bonhomme, c'est un intellectuel. Les intellectuels, c'est pas des bonhommes. Les bonhommes, c'est ceux qui votent, hein, qui votent pour des loteries. Ou qui votent tout court. Faut-tu être bonhomme pour voter tout court? En tout cas, oui, je sais, j'amène plein de sujets et je les termine jamais. C'est des coïts interrompus, effectivement. Vous avez raison, madame. Oui, je m'en excuse infiniment. Auprès de tous les citoyens, et surtout, plus que les citoyens, les membres de ces CKRL. Et là, j'ai reçu ma carte de membre, je vais vous dire mon numéro. Peut-être, si vous voulez, il vous manque des chiffres à la loterie, là. Pouvez-vous prendre 30 secondes de... Je vais vous... C'est pas une blague, je vais vous dire mon numéro de membre. Très heureux, moi, là. J'avais, pour les gens qui me connaissent, 2 cartes. La carte de CKRL, je l'ai depuis belle lurette. Non, j'en ai 3, c'est vrai. CKRL, une autre radio associative, et j'étais membre aussi du PQ. J'en ai éliminé une lorsqu'un homme médiatique qui travaillait pour un journal médiocre s'est présenté, a été élu, qui était marié avec une, comme on peut l'appeler, une dame de télé, pour être poli. Bon, là, ils sont plus ensemble, mais juste le fait qu'il s'est trempé les pieds dans le PQ. En tout cas, non, le PQ, c'est pas du papier hygiénique, mademoiselle. Non, non, non. Vous n'avez pas étudié en politique, en littérature. Ah, bon. Mais je vais vous... Oui. Je vais vous faire lire le livre de Gaston Miron, L'homme rapaillé. Pas paillé, rapaillé. L'homme rapaillé. Paillé. Ah non, il n'est pas là ce soir. Il a décidé de partir. On décide-tu de partir? On ne sait pas. Là. Ça dépend. Oui, on peut décider de partir lorsqu'on est vivant, mais à un moment donné, hein, la, on les, on, exactement, la grande faucheuse. Vous connaissez. Oui. Vous êtes une... Ben oui. Alors, mon bonhomme, 3$, intellectuel, il n'a pas eu de vol à marmée, il n'a pas été tiré, il n'avait pas 3$ dans les mains, puis il ne jonchait point le sol. C'est beau, hein? Il ne jonchait point le sol, madame. Jonchait de Bellecour. Oui. En fait, c'est un pompeux qui se la pompe régulièrement avec son nom. C'est comme Vachier de la Pourge. Allez voir sur Internet, Vachier de la Pourge. C'est pas une blague, là. V-A-C-H-I-E-R-D-E-L-A-P-O-U-R-G-E. Vous pouvez mettre égal raciste, là. Et puis donc, l'histoire veut que mon monsieur, mon petit monsieur intellectuel, ce petit monsieur, tu sais, il n'avait plus le temps de pousser, lui, il voulait réfléchir, donc il s'est arrêté de pousser à la verticale pour s'allonger l'esprit à l'horizontale. Il n'y en a pas beaucoup au Québec. Il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Il n'y en a pas beaucoup sur la planète, dans l'univers. Sauf que ma copine, qui a déjà visité Mars. Elle adore la barre de chocolat, là. T'sais. Ah, viens de faire publicité, là. Elle me dit le caramel, là. C'est solaire. Ben, y'en donc, c'est solaire, mon amour. Non, c'est... Ah, non, non, c'est vrai, je dois dire, ma chérie. C'est solaire, ma chérie, ça n'a pas de bon sens. C'est pas solaire. C'est Philippe. Je ne comprenais pas trop au début, là. J'ai dit Philippe solaire. Solaire. L'intellectuel français, dramaturge, je connaissais pas. Mais non, elle n'a pas besoin. Hey, écoute, elle connaît tous les numéros de bibliothèque. Hein? Tu peux lui dire la cote, là. Exemple 721. Elle va te le dire. Elle n'est pas là, là, mais elle va te le dire. Elle pourrait te le dire. Elle ne te le dira pas, là, parce qu'elle n'est pas là. Mais elle pourrait. Mais elle ne peut pas. Pas parce qu'elle n'a pas de bouche. Elle en a une belle bouche. Mais c'est... Oui. Ben oui. On ne s'attendra pas. Hein? Parce que c'est pas... C'est pas le moment. C'est pas le temps. Mais l'histoire du 3$, de l'intellectuel, du petit monsieur qui réfléchissait parce qu'il voulait arrêter de pousser vers le haut, mais plutôt vers le riz. Puis le riz, ben, il était amoureux de le riz. C'est une chanteuse quand même assez... facile. Bon, on va dire... commerciale. Mais non, c'était pas cette Laurie-là. Saviez-vous que Laurie a déjà fréquenté Garou? Hein? Oh non, mais on fait de l'actualité, là, journalistico, dire que c'est journalistico, c'est des raconteurs, quoi, même si c'est vrai. Bonhomme 3$, on va vous le dire, parce que 3$ dans les mains, il savait pas quoi choisir, il se dit, lui, c'est pas un gars de loterie. Donc, il s'est précipité dans la section bière, mais là, pas n'importe quelle bière artisanale. Il y avait 3$. Là, il s'en était choisi une. Je ne nommerai pas. Il arrive à la caisse, heureux. J'ai 3$ avec la caisse. Non, il dit, j'ai 3$. Présente la bouteille. La dame numérise la bouteille. Elle lui dit, 6,75. Il dit, pardon? 6. Ouais, excusez-moi, j'ai pas... Oui, j'ai changé de pote. J'ai plus de pote. En fait, j'en avais un. J'ai cassé mon partiel avant-hier. Ils m'ont précipitamment collé une autre prothèse. Puis ça va pas très bien. On dirait que les lentilles de ma... Oui, mais parce que j'ai décidé de mettre des caméras sur mes dents. Mon mari me trompe, hein? Je suis pas une innocente, là. Ah non, non. Et puis j'ai demandé... Puis je sens aussi que mes dents rallongent. Ils m'ont dit que c'est impossible. C'est du synthétique. Puis ça, le synthétique peut pousser? Elle dit, oh, non, on voit bien que vous connaissez pas ça, madame. Là. J'ai dit, on voit bien que quand j'ai payé, vous étiez très, très heureuse de sentir l'argent. Brel disait, l'argent n'a pas d'odeur, mais pas d'odeur vous monte au nez, ça vous a monté au nez, hein? Je vous dis que les dents, mon partiel, il faut dire les... comment t'appelles ça, non? Les dents amovibles. Quoi, là? Des dents... En tout cas, on peut dire ça. Donc, la dame redit le prix. L'intellectuel nerveux présente son 3 $. Ouais, les 3 $. Que fais-je? Là, ça va, ouais. Dit là, il vous manque de l'argent, là, monsieur. Là, il vous manque quelques dollars. Oui, mais... Voilà, mais allez chercher une autre bière, là, qui pourrait correspondre à votre argent. T'es pas intelligente, mais elle avait des beaux mots, là, hein? Elle avait un lexique, elle avait un dictionnaire, là. Elle avait 6 mots qu'elle répétait parce qu'elle travaillait à côté d'un édifice gouvernemental. Donc, elle rencontrait des imbéciles. C'est pas juste des... Hein? Bon. Ça fait que là, lui, il s'en retourne. Penaud. Parce qu'il trouvait que sa bière-là lui correspondait très bien. Tu sais, c'était son profil gustatif. Cherche une bière. Puis là, il ne focussait pas à l'époque, avant, sur le prix. Mais là, il était en train de regarder. Et il voyait que 4, 5 $, 6 $. 4 $, il n'y en a pas beaucoup, là. Fait que là, change d'idée. Il dit, je peux pas m'acheter un dollar. Il dit, j'ai 3 $. 3 $ à dépenser. 3 $. Ça fait que là, il se retourne. Ah, il y avait une autre section de bière. Mais là, de la bière commerciale. Heureux comme Crésus. Je sais, vous allez me dire que Crésus n'a jamais été heureux et c'est pas l'expression, mais dans mon cas, aujourd'hui, en ce beau 26 février 2018, heureux comme Crésus vient d'être inventé. On l'implante à partir de maintenant dans tous les livres. OK? Dans toutes les discussions, dans les lexiques, les professeurs de l'élémentaire, du secondaire, du collégial, de l'université vont utiliser ce terme. Donc, on vient de lancer, comme disait, comment qu'elle s'appelle donc, Bazo, de son prénom, Bazo. Bazo, voyons donc, celle qui a fait la première émission avec Pierre Bourgault, là. Marie-France Bazo, voilà, merci. Quand je dis merci, c'est parce que ma mémoire vient de revenir. Les portes s'ouvrent, comme disait Jim Morrison. Donc, Mademoiselle Bazo, Madame Bazo aujourd'hui, parce qu'elle s'est mariée avec un... Avec quelqu'un. Et on a engendré un monstre. Elle disait ça souvent à son émission. Temps présent, ou je ne sais pas, il était présent le matin, le midi, en tout cas. Non, le matin, vers de 10h jusqu'à... Indicatif présent. Voilà. Donc, la mémoire, c'est une faculté qui n'oublie pas souvent. Hein? Dans mon cas, là, maintenant, là, oh mon Dieu Seigneur, Rita, es-tu heureuse? Les enfants vont bien. Le 3 pièces, il se retourne. Il arrive devant... Non, je dis... Vous attendez la fin de l'histoire. On voit la chute arrive. La chute arrive. Qui dit chute, dit... Petite musique par la suite. Ça va vous détendre l'oreille. J'ai des bonnes idées, hein? Ça vient tout seul. Je veux pas, moi. J'aimerais ça être comme tout le monde, là. Ben oui. Tu sais, quelqu'un qui... C'est à quel endroit doit parler, madame? Ça va bien, ça va bien. Oui. Ah, mais c'est pas mon cas. Donc, pas encore. Ça s'en vient. Encore une fois. Les modalités, Berlingo, parcours santé. Ah ouais, parcours santé, 10. J'ai une vibration. Pour terminer rapidement, sur mon gars à 3 piastres, il s'en va, il regarde. Et c'est quoi ce fil-là? Oh, je peux brancher ça. C'est pas grave. Il se trouve une bière commerciale, arrive à la caisse, avec la même dame qui avait une prothèse dentaire amovible, avec des caméras pour vérifier son mari parce qu'il a tromperie, sans doute, dans le couple. Et puis là, la dame lui lance « Ça vous coûte 2,95 $. » Il dit, hein? 2 $, j'ai assez d'argent? Oui. Voulez-vous un sac? Il dit, ben oui. C'est 5 cents. OK. 3 $. Ah, j'en ai eu pour 3 $. Mais il va se tremper les lèvres dans quelque chose d'imbuvable. Donc, la morale, est-ce qu'il y a une morale, monsieur? On va l'inventer, la morale. Oui. Mieux vaut boire une bière qui n'a pas de notoriété que d'acheter une loterie qui se terminera au panier. Basse, batterie, guitare. Les paroles, on verra plus tard. Tu dis ce que tu veux, mets les cheveux dans les yeux. Basse, batterie, guitare. On dirait des super pouvoirs. Une adolescence et son manque d'indulgence. Tu as Phil Spector sur un poster au mur. Vinyl collector, diamant sur la rainure. Phil Spector en costume en rayure. Boîte à médiator et la désinvolture. Basse, batterie, guitare. Utopie de tes soleils noirs. Donner l'impulsion, passer le mur du son. Tu as Phil Spector sur un poster au mur. Vinyl collector, diamant sur la rainure. Phil Spector en costume en rayure. Boîte à médiator. Basse, batterie, guitare. Et tu as Phil Spector sur un poster au mur. Vinyl collector, diamant sur la rainure. Phil Spector en costume en rayure. Boîte à médiator. Phil Spector et la désinvolture. Ce n'est pas aussi dérisoire, pas aussi facile que de vendre un missile. Ils l'ont fui. Elle avait 128 ans. Puis tout le temps, elle se berçait. Elle se berçait, J'ai reçu un micro en plein visage. C'est comme les... Sournoisement, là, vous autres, les filles, là, quand vous êtes avec votre gars, là, puis que vous dormez, vous faites semblant, là, d'envoyer votre main, comme, oh, là, tu t'envoies ta main en arrière, mais là, le gars est là en arrière, puis il reçoit des claques. Il se réveille en plein, ensanglanté, agonisant. 3-4 dents perdues. Puis là, il était branlé. Il se dit, m'aime-t-elle ou si elle feint le sommeil pour se venger de ma journée d'hier? C'est pas parce que, ma chérie, je suis arrivé un peu plus tard, un peu plus tard, je veux revenir un peu plus tard. Non, je n'ai pas pris de doublon, non, tiens ma bouteille. Envoie-moi-en un peu plus haut, un peu plus loin dans le gorgoton. Je veux que tu m'en lances un peu plus loin dans le gorgoton. Et si tu veux venir là-haut avec ma bouteille, nous pourrons vivre un autre chemin. C'est beau. C'est beau. Quand tu verras le bouchon dans ma main, comme le 3 piastres du monsieur. Oh, 3 piastres, le monsieur, le petit monsieur qui a voulu, qui a arrêté de pousser pour monter. Hein. C'est beau, pop, pop, pop, pop, pop. C'est beau, pop, pop, pop, pop, pop, pop. Si tu voyais mon bouchon dans le fond de ma main. J'en ai 6, chérie, excuse-moi. Non, je ne suis pas... Je suis en état de sobriété avancée. Très, très... Je suis avancé vers toi, mon amour. Pourquoi tu te bouches le nez? C'est mon parfum? Tu veux te mettre au parfum de mon existence, mon chéri? Hein? Pardon? Je dis pas, je dis pardon parce que ça manque de... Pardon? Ouais. Ouais. Moi, oui, mais c'est 75 minutes en retard. Ça, en fait, c'est 60 minutes plus 15. Je sais que tu connais le calcul intégral. Je sais que tu tiens. Je sais bien que tu... Oh non. Non, c'est... J'ai avalé trop de salive en même temps. C'est comme une remontée de saleté. C'est du sel, hein? De sel. Est-ce que je peux franchir la porte, puis quoi? Oui. Quelle heure est-il? J'ai pas de mots. Eh oui, j'ai le cellulaire Chuck Norris. Chuck Norris, bébé, Chuck Norris, Comment ça, check là? On pas dit check, on dit vérifie. Hein? Pas pire le péter, hein? Oui, ben, il est 1h15 du matin. Il doit arriver à minuit. Ouais, mais je suis pas Cendrillon, moi, là. Pas viré en citrouille, moi, là. Hein? Encore de la matière houblonnée qui descend dans moi, ça. Je suis un ibis. Un triple, les gars. Nous sommes plus en mer. Chérie, c'est pas ça qui est arrivé. C'est que mon automobile ne fonctionnait plus. J'ai jamais eu d'automobile. Oui, mais... Oui, mais c'est pas ça. Mais l'automobile que j'ai appelé, on appelle ça un taxi, il fonctionnait plus. Il y en a 553 au Québec. Oui, au Québec, à Québec, petit bébé, moi, je mettrais 250, là. Il y en a beaucoup trop, chauffeur. Ils me le disent, hein, on fait pas d'argent, trop de mal permis, pas de ça. Mais, oui, c'est ça, mais j'étais en taxi, puis... Ça fonctionnait plus. Ben, moi, je vais te dire, non, je suis pas un menteur. Ah non, j'ai jamais été menteur. J'enjolive la réalité, mon amour. Ben oui. Non, c'est pas le tech. Mais c'est pas... Excuse, je pleure. Là. C'est la babine. C'est du rétroactif depuis toute mon enfance. Là. OK, oui. Alors, une dernière fois, ça va être plus long, je te dis. Là, on est rendu à 8 mois dans ma... Oui, OK. OK. Et puis, la dernière, c'est... C'est beau, hein? C'est l'évolution de l'espèce, madame. Oui. Oui, d'accord. Oui, on est avec ma chérie. Oui, mais parce que mon chauffeur de taxi, moi, j'ai... Ouais, ben là, je viens de me réanimer moi-même, là, en faisant des régressions. Tu montes, là. Un peu plus haut. Mais non, je la referai pas. Non, une fois, c'est assez. Oui, les oreilles vous saignent, madame. Épongez. Mettez un petit peu d'huile d'olive. Je vais vous dire pourquoi. Ça tâchera pas, ça va glisser sur l'huile. Sur l'huile, l'huile. Pas sur lui, sur l'huile. Vous êtes seule depuis 50 ans, madame. Donc, sur l'huile. L'huile, l'huile, l'huile, l'huile. En tout cas. Mais huile après huile, je suis triste. Huile après huile, je m'ennuie. Jour après jour, le ciel est triste. Nuit après nuit, je suis triste. Jour après jour, Oui, d'accord. Oui. Mon histoire, elle est tragique, mon âme. Tu vas tomber dans une... Exact, dans une noirceur totale. La grande noirceur, là, ça, c'est rien au Québec, hein, comprends-moi ce que tu vas vivre quand je vais te dire ce qui s'est passé. Non, je pleure pas, c'est... En tout cas, c'est des spasmes. Pardon. Ça va bien, ça va bien. T'as-tu veux-tu me déboucher un petit verre d'eau? Oui, mais je veux pas de je sais. Je veux pas d'eau embouteillée. Prends ça dans la chatte à pleurs. Place ça dans... Parce qu'il y a... Il y a du chlore. J'ai besoin de chlore. Oui, pour clore la situation. clore la situation, as-tu compris? Hey, ça prend pas la tête, hein? Ça prend un petit peu de tête, là, mais pas trop. Clore, du chlore. Dans l'eau, il y a... Mais... Oui. Pardon? Oui. J'arrête là. Elle veut pas de... Tu veux pas de... Parfait. C'est là, vous allez voir que tout s'éclaircit. Là. Même à minuit et quelques, une heure et quart, tout s'éclaircit. C'est dans le 1. J'ai fait 5 ans à l'acteur studio. Ça m'a coûté 15 000 $ pour le... Êtes-vous prêt? Enregistrez ça, madame. Je vous laisse... Tiens, je vous laisse 10 secondes. Elle cherche son magnéto, je sais. Là. Elle va dire, hein, il va faire... Mais oui. Hey. Même... Al Pacino et même Robert De Niro n'est jamais arrivé à ce que je vais vous faire là actuellement, dans quelques secondes. Alors là, vous pressez. Si c'est un vieux magnéto, madame, excitez-vous pas. Vous mettez le doigt sur play et l'autre sur record. Record, c'est écrit REC. OK? Pour les autres, si vous êtes à la fine pointe, vous pressez uniquement sur REC. Si vous avez acheté une platine numérisée, bon, c'est pas une platine. En tout cas, si vous êtes acheté un ruban, en tout cas, une machine à ruban numérisé de haute pointe, non, c'est pas PowerPoint, c'est haute pointe, la haute définition, là. Ils ont eu les moyens financiers d'écrire RECORD, R-E-C-O-R-D. Donnez plus de cordes, madame. Vous êtes Bluetooth. Enchanté, moi, c'est Rénal Gagné. Oh, alors vous communiquez sans fil, vous. Ah, mon Dieu. Moi, j'ai encore le cellulaire Chuck Norris, comme je disais tantôt, avec le fil. Le fil est... Exactement. Vous connaissez ça, vous, les fils? Vous attendez souvent... Ben oui, mais vous courez les rabais. C'est là que vous avez rencontré votre mari. Un crapet dans la section des rabais. Ben, tous les crapets vont dans les rabais, voyons donc. C'est quoi le moins cher? C'est quoi le moins cher? C'est ça. Il bavait, puis c'est... Ah, oh, ça vous a ému. Ah, mon Dieu. La salive vous émeut. Non, mais chacun... Non, je suis pas là pour juger, moi, là. Vous me parlez, j'écoute. J'ai des petits commentaires, mais très, très, très factices, élémentaires, comme disait What? Attendons, vous. Ah oui, il vous a acheté. Oh! Dans la section rabais. Ben voyons donc. Vous l'avez encore? Il est brisé, hein? Il s'est cassé. Ben oui, c'est un rabais. Ça vient de ting tong ting ting tong ting tong ting ting ting ting tong. J'essaie d'imiter la Chine. Ça vient de Chine. Taïwan. En tout cas, peu importe, madame. Félicitations, vous êtes heureuse. Le but dans la vie, là, c'est pas c'est de trouver sa correspondance. Surtout quand il fait moins 40, t'es dans l'autobus. Voyons donc, je l'ai mis, ma correspondance. Ah non, ils vont pas me faire sortir dehors à moins 40. Puis là, j'ai plus de maudit scène. Il me reste juste 100$. Moi, tu penses-tu m'en prendre un autobus à 100$? Moi je vais essayer de... Je vais tenter la discussion. Oui, puis après ça, on revient au mari, là. Oui, le mari... Avez-vous suivi le mari qui est au palier de la porte? Son épaule, en tout cas, oui. Fait que, hey, monsieur le conducteur, hey, en tout cas, je vous souhaite une bonne année, hein? Bonne année. Au mois de février, on a le droit de souhaiter bonne année toute l'année, non? Ça finit en... Oh, excusez-moi. En tout cas, excusez-moi de m'excuser, hein? Vous êtes sympathique. Ah, oh, je vous voyais au loin, hein, arrivant. Hein? Vous conduisez bien l'autobus, hein? Ça vous voit bien. On dirait que c'est une correspondance, c'est l'entité chauffeur-autobus, vous êtes... Non, mais il y en a qui trouvent pas leur voix dans la vie. Oui, je sais, ça coûte. J'avais ma correspondance, mon transfert. Mais là, je l'ai perdu. Oui. Mais le seul petit problème, c'est juste, c'est pas un gros, c'est juste un petit problème. Il suffit de payer 3,50$, je le sais très bien, monsieur, mais j'ai juste un billet. Hein? De 100$. 100$, voyons donc. La langue me fourchette. De 100$. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Je m'arrête ou je continue? J'ai 100$. Où j'en suis? À la fin ou au début? Stop ou... Encore passé, monsieur. Qu'est-ce que je fais, monsieur? J'ai 100$. Vas-tu mettre ça dans le tiki-dou? Tu mets ça dans le tiki-dou, c'est 100$. Hein? Moi, c'est une journée et demie de travail sans le... Je l'ai eu en cadeau, oui, mais j'ai travaillé fort pour le cadeau. J'ai pelleté, monsieur. À un moment donné, là, comme je payais à l'heure, j'avais même plus de neige à pelleter. J'ai pelleté les nuages. Mon beau-frère est philosophe, il dit, ouais, et puis il trouve qu'on l'accuse de pelleter. J'en ai pelleté des nuages. Maman, il sera plus philosophe. Oh non. Et qu'est-ce qu'on fait? On arrête ou on continue? Merci, monsieur. Vous êtes tellement. Merci. OK, je m'en vais. Mais... OK. Je paye pas, mais je prends pas de siège. L'autobus est vide, mais je prendrai pas de siège. Merci. C'est sympathique. J'arrête parce que vous avez même... D'accord. Bravo. Dieu vous le rendra. Vous arrêtez l'autobus? Ah non, mais ça, c'est une expression judéo-chrétienne. Je suis crétin, moi, pas judéo. Moi, je suis juste crétin, puis j'ai des idéaux, mais pas chrétien. Ah non, vous n'allez pas me crisser dehors. Ah non, c'était une blague. Attendez, j'ai ma carte. Vous allez la rire. Ma carte. Pas ma correspondante, ma carte. Voilà. Errance réladienne. Gagné, c'est moi, ça. Regardez le visage, là, les deux faces. C'est moi, regardez. C'est pas mon frère jumeau, c'est moi, Renal Gagné. Je peux même vous dire le moment. Mais je peux vous dire le moment. C'est le jeudi à 23h59. Ah oui, j'ai changé mes cartes, c'est vrai, on m'a mis le dimanche. Ah non, mais c'est moi, mais c'est parce que dans ma tête, je suis encore le jeudi, voilà. Ma tête est... OK. Vous connaissez ça? Vous êtes de gauche? Enchanté! Je peux m'asseoir devant vous! Comment ça, faites-moi rire? C'est pas une valve que t'ouvres, là. Étouffe, laisse-moi. Mais si tu me connais, tu sais que j'ai une grande vedette. Bon, voilà. Tu veux me donner 100$, mon champion? Vas-y, crache ton argent. Ah ouais. Veux-tu prendre l'autobus pour conduire ça, moi? Mon scooter, tu connais l'histoire du scooter, il va bien. Il a passé au feu, le gris noir, là. Il a passé au feu. Ah, mon dos. Ça sentait le charbon de bois. Charbon de bois. J'ai jamais dit celle-là parce qu'elle n'est pas drôle. Je te donne des exclusivités de pas drôle, là. Tu sais, des Bluetooth, oui. Mais, merci, t'es bien généreux, mon champion. T'es bien généreux, puis du succès dans tes études. OK. Non, mais j'ai rien contre les gens qui n'ont pas étudié longtemps, là. Au moins, tu sais conduire. Ta vie, tu l'amènes. Comme Germaine te mène. Non, ça va. Je vois, mais non, t'es géré par ta femme. Toi, ça se voit, gamin. Je suis en train de dire des enfants, mais là, ouais, c'est bien. Non, mais c'est une blague. Tu m'as demandé, fais-moi rire. Ouais, je sais. Tu m'as pas dit, fais-moi pomper, là, mais. Je pensais. Non, mais je sais pas, là, les auditeurs. Il y a plein de sortes d'auditeurs qui aiment plein de sortes de blagues. Puis, je savais pas, là, tu sais. Tu m'arrives, hey, fais-moi rire, là. Comme ma blonde, hein, le soir, fais-moi jouir, là. Je sais. Ben, je sais comment faire jouer, mais, tu sais, l'humour, hein. L'éventail de l'humour est très, très, très, très, très, très vaste. T'es un intelligent, toi. Je t'ai fait des blagues de basse-cour, je le sais. Parce que normalement, je me mets au diapason. Quand ça rit en bas, je monte. Là, j'avais pas le temps. Puis je pensais que t'aurais pu, mais... Hey, mais t'es vraiment super sympathique. T'es un de mes préférés, je te dis, là. Hey, veux-tu qu'on devienne amis Facebook? On va aller loin, je te le dis, là. Toi puis moi, là. Tu pourrais même m'écrire exactement des petites blagues, vite, rapides, comme ça, là. Ah, je vois que t'as quelque chose, là. Ah, ouais, t'es dans le show business. Ah! Tu fais des chansons de Noël, même en été. Hey! Ça m'intéresse. Peux-tu me laisser à côté de chez moi? Tu peux pas, ouais. Hey! Oh, non, chante-moi pas parce que, lui, au mois de février, c'est fini, là. Ah, hey! Je savais que t'avais du potentiel. Hey! En tout cas, merci, hein? À la prochaine! Bye-bye! Aujourd'hui, le lundi 26 février 2018, l'errance, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et aussi boulot. Confions la boussole au gestionnaire de nos... Hein? Avez-vous entendu le gestionnaire? Ça demande la pratique, là. Gestionnaire. Oublions les abords. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous pour la deuxième semaine et la dernière, malheureusement, autour de mon grand ami Pierre Fa. Grand parce qu'il a décidé de sortir. Il mesure 5 et... En pied 5 et 9, 8. Mais au niveau horizontal, il mesure l'infini. Je vous présente Pierre Fa. J'étais avec lui. Vous me croyez pas? Hey, voyons, vous me croyez pas. Vous vous imaginez que je suis... Ah, puis vous êtes. Donc, nous sommes enchantés de vous proposer... Pour la dernière fois cette année, Pierre Fa. vois déjà me répondre, les gestes et la peau d'esprits animaux, de volcans qui grondent, d'esprits animaux, animaux. Oh, j'ai cette évidence avec toi, et cette évidence avec moi, et je fais toujours où elle va. Avec toi, cette évidence avec moi, voyons voir si elle passe ou pas, si elle passe ou pas. C'est dans l'eau, dans l'air, c'est dans l'inconscience, dans la mémoire. C'est plus sincère, quand c'est plus intense, quand il faut me croire, faut me croire. J'ai cette évidence avec toi, et cette évidence avec moi, et je fais toujours où elle va, toujours où elle va. J'ai cette évidence avec toi, et cette évidence avec moi. Thank you. Et là, par contre, en Asie, de manière générale, ils aiment bien les suites d'accords qui t'embarquent pas trop loin, quoi. C'est-à-dire que là, autant sur les textes, des fois, tu peux emmener des gens, mais sur la suite d'accords, ça doit pas... Ils aiment autant que ce soit débarrassé. Épuré ? Oui. Pourquoi ? Si tu veux. Zen. C'est une bonne question, je sais pas exactement te dire. Mais j'ai observé une chose, c'est que autant en France, les gens consomment beaucoup de sucre avec leur bouche, mais ils n'en veulent pas avec leurs oreilles. C'est-à-dire qu'ils aiment une musique qu'ils veulent. C'est-à-dire que leur idée de l'authentique correspond toujours à un truc un peu salé, un petit peu comme ça, pas forcément tourmenté, mais en tout cas ancré dans des réalités. Voilà. Naturaliste. Si tu veux. C'est une... Oui. Et au contraire, en Asie, ils mangent beaucoup moins de sucre avec leur bouche. Par contre, ils l'aiment bien pour les oreilles. Voilà, c'est comme ça. C'est pas les mêmes attentes aux mêmes endroits. Ils aiment bien la nourriture qui arrache, épicée, comme ça, tu vois. Ils aiment bien la nourriture rock'n'roll. Ouais. Mais pour la musique, il faut que ça, au contraire, que ça apaise, que ce soit quelque chose. Il faut gérer tout ça, donc il faut. Si tu veux, que ce soit confortable, que ce soit comme un bel appartement, clair, zen, lumineux. Voilà, avec pas trop de meubles, pas trop de choses. Voilà. Pas trop chargé. Un espace. Voilà. Et nous, c'est un peu le contraire, j'ai remarqué, finalement. Notamment en France, je pense que les gens ont une vision quasiment opposée. C'est-à-dire, ils aiment la musique qui arrache un petit peu, où il y a quelque chose qui arrache, des gens comme ça. Ça peut être dans la personnalité, si c'est pas dans la musique, mais un truc un peu épicé, quoi. Et au contraire, par contre, ils vont se gaver de macarons. Mmh. Mais oui. Bon, c'est peut-être un peu simpliste comme vision, mais il y a un truc. Non, mais c'est ce qui te plaît aussi lorsque tu voyages, c'est d'être dépaysé et de ne pas retrouver ailleurs ce qui se passe ici. Ouais. Parce que sinon, c'est... Ça donne des perspectives. Ça ouvre l'esprit, ça ouvre l'esprit critique, et puis tu peux comparer avec ce qui se passe chez toi, comparativement à ce qui se passe là-bas. J'ai passé pas mal de temps en Corée, finalement, avec Elsa et puis moi seul aussi. C'est vraiment, tout est différent dans la manière de commencer dans la musique, où est-ce qu'on doit faire des concerts, quelles émissions, la façon d'aborder les choses est différente. Ça se ressemble vu de loin. Des gens sortent des disques, font de la promo, ça se ressemble. Ouais. Tu vois? Mais en fait, la façon de l'aborder est différente. Okay. Plus humain, c'est un petit pays, il y a quelque chose de plus détendu, plus chaleureux. Il y a moins de pression, je trouve, qu'à Paris. C'est peut-être aussi parce qu'on est étranger c'est beau, c'est nouveau. Ouais, il y a ça. Est-ce que tu crois que t'es planté là à un moment donné pour vivre ça de l'intérieur? Je pourrais pas en Corée, en tout cas. Pourquoi? Pas toute l'année. On se lasse? Je pense que ça me prendrait du temps pour me lasser quand même, parce que y a une culture très intéressante et pleine de calques, pleine de sous-couches. Donc le temps que tu connaisses vraiment, ça peut être long. Donc non, je me lasserai pas. C'est pas ça. C'est que c'est une société qui a certains aspects très conservateurs. Oh, ok. Donc, les idéologies sont quand même à l'ancienne. Alors, dans le monde de la musique, tu n'as pas affaire aux vieux grigou, tu as affaire à des gens, tu vois, plus ouverts, comme ça, plus éveillés, plus libres. Mais c'est une société qui a des aspects très conservateurs. Donc, c'est pas vraiment positif pour des gens qui veulent s'implanter et qui ont une... C'est possible, c'est juste que... Alors, tu veux dire c'est un peu plus de droite que... Ah, c'est, oui, ça c'est clair. Mais surtout, regarde. Si tu veux, tu cherches par exemple, tu es célibataire, tu veux tomber amoureux, tu veux aller faire des rencontres, etc. En Corée, ils ont très très ancré dans leur mentalité le fait que tu ne peux sortir, tu ne peux rencontrer que des gens dans une zone de 5 ans autour de ta naissance. Avant ou après? Avant, voilà. Le reste, interdit. C'est comme s'il y avait des panneaux stationnement interdit, je t'assure. C'est obligatoire? sinon t'es jugé et puis tu... C'est très ancré. Et d'ailleurs, quand on y allait la dernière fois, ils nous ont posé beaucoup de questions à Elsa et à moi-même sur l'histoire de Macron et de son épouse. Pour eux, c'était extraordinaire. Légitime, surtout. C'était incroyable. Mm-hmm. Ça rentrait absolument pas dans leur vision du monde. Ouais. Et comment tu l'as raconté Je leur dis, mais c'est une belle histoire. Ouais. Ça n'est pas courant, ça n'est pas. Mais c'est très bien que ça existe. Pourquoi ? Il y a mille chemins possibles. Moi, s'ils sont heureux, ça me va. Moi, je sais pas de. S'ils ont une force ensemble, une énergie ensemble, pourquoi ça me dérange ? Hein ? Parfait, très bien, je m'en réjouis. Donc, là-dessus, ils sont quand même assez arrêtés. Beaucoup de gens sont très arrêtés. Mais les jeunes, voilà. Non, moins. C'est pareil. C'est exactement pareil. Ouais. Non, ça dépend plus. La différence, elle se joue pas sur l'âge. La différence, je veux dire, de perception de ça, elle se joue sur le fait que des gens ont voyagé, été voir ailleurs ce qui se passe, ont regardé des films, c'est là la différence. C'est ceux qui ont plus de culture ont moins de jugement. Je pense. Oui, mais ça c'est vrai dans n'importe quel pays. Oui. Et puis alors, le nouveau président de Corée, Monsieur Moon, il est vraiment, c'est un vrai progrès par rapport à la présidente d'avant, Mrs. Park, qui était une personne très étrange, pour dire le moins, qui est arrivée là par des moyens sûrement discutables. Ouais. Et il y aurait beaucoup de choses à dire. Ouais. Toujours est-il que Monsieur Moon, c'est bien. Mais tu vois, ce sera sûrement un des derniers pays d'Asie où, par exemple, le mariage gay sera autorisé. Ils ne sont pas du tout favorables, pas du tout. Ça reste un truc tabou. Mmh. Moi, je connais bien, assez bien Séoul maintenant. Je ne vois pas de quartier gay à Séoul. Les choses sont hyper cachées, quoi. Et donc, c'est assez étrange, quoi, parce que même à Tokyo ou même dans d'autres endroits, où pourtant le Japon a des côtés ultra conservateurs aussi, mais pas à ce niveau-là. Mmh. Beaucoup plus libre au niveau des relations. Un peu plus décoincé, effectivement. Ah oui. Ah oui. Ah oui, oui, oui, oui. Est-ce que ça t'attire un peu plus Oui, et puis Taipei aussi, Taïwan. Moi, j'ai un ami français, Aurélien Jégou, qui est réalisateur, qui vit à Taipei, qui ne cesse de me dire « Allez, viens à Taipei, c'est super. » C'est vrai, j'aime bien la vie à Taipei. Mais toi, jamais mis les pieds ? Si, bien sûr. Okay. Ah bah, plusieurs fois. C'est là qu'on a le mieux marché avec Paper Moon. Donc, on a été joué là-bas. C'est comme ça que j'ai découvert. Et puis j'y suis resté, moi, pour le plaisir aussi. Ouais. J'aime beaucoup. Pour visiter un peu. Pour visiter, pour t'imprégner plutôt. Oui. Pour visiter, t'imprégner. Ouais. Ouais, on a été au lac du Soleil et de la Lune, au centre de l'île. C'est un endroit très, très beau, très spécial. On a été dans les gorges de Taroko. Ce sont des gorges de marbre. Nous avons enregistré dans un petit tunnel de marbre le son de la voix d'Iris avec la réverbération naturelle qu'on a mis dans l'album. Ça. Donc non, on a Taïwan, oui, on a un lien fort. Mais quand tu dis enregistrer, tu te promènes constamment avec un magnéto numérique et... Je crois que là, j'avais un petit zoom avec moi, oui. Mais sinon, des fois, tu peux enregistrer à l'iPhone, le son est pas mal. Le ici Là, je le vois pas parce qu'il est caché sous un Muppet. Ouais, sais-tu comment on l'a appelé C'est un Tribble. Oui, en fait, c'est deux magnétos. Tu peux pas le voir, ils sont... Ils sont juxtaposés. D'accord. Et celui-là, c'est le petit modèle H1N10. Mais j'ai aussi un Tascam. Tu connais les Tascam quand même. Bien sûr. Mais lui, c'est parce que pour le prix et pour ce qu'il me donne, parce que c'est du point wave, donc, le son est exceptionnel. C'est des micros croisés. Donc, lorsqu'il y a du bruit, ça zoome d'une manière sonore, bien sûr, la voix et le reste. C'est accessoire. Super. Donc, l'intérêt, c'est... Puis ça, c'est nouveau, là, la touffe ici, que Julia Palombe, qui est une chanteuse que tu connais sans doute. Mais je connais son nom. Pourquoi je connais son nom? Je l'ai rencontrée? Ben, tu l'as rencontrée. Elle est souvent invitée à mon émission, donc tu vois souvent des photos. Et donc, c'est une fille qui a écrit un livre qui s'appelle... comment elle a appelé son livre? Français au lit. Donc, c'est une femme qui est ouverte à l'émancipation dans tout son éclat. Et elle a appelé cette petite perruque la chatte. Oui, non. Et moi, je l'appelle la touffe. Oui, c'est ça. Elle est bien fournie. Oui, bien fournie, oui, mais parce que c'est tout nouveau. Mais elle perd beaucoup de poils. Ah oui. Et lorsqu'elle est heureuse, elle ronronne. Oh, c'est beau, hein. C'est délicieux, c'est charmant. C'est vraiment cette parenthèse animalière m'émeut. Oui. mais surtout que les gens. Et ça, je trouve ça tout le temps curieux. Je viens ici presque au même endroit. Mm. Hein, je visite les mêmes. Et on regarde le micro et on est presque aussi estomaqué qu'un fusil. Pourtant, c'est juste un micro. Ouais. Ouais. Il faut de l'ennui et il faut des maisons sur pilotis, des pages blanches lundi, vendredi, fumée sans feu, nuages bleus. Il faut comme une bulle rappeler l'accordeur de crépuscule entre les pages mini campanules, un fond de l'air involontaire. Et à ma fenêtre, je vois paraître le soleil enfin. À ma fenêtre, des kilomètres de pays lointains. Et voilà, ceci explique cela. Même les gardes triage aime l'ombre qui tient à tes pas, aime cet animal sauvage qui n'aura jamais besoin de toi, aime à toutes fins inutiles, aime tout ce désordre divin, le bizarre et le fragile, tout ce que tu ne comprends pas bien. J'appelle des vieilles blessures et des je ne sais quelles, je ne sais quelle armée surnaturelle, dans mes bermudes, un interlude. Des rues survolées et des années de rendez-vous manquées, un amoureux au goût de miel salé. On aime le rôde, on aime le rôde. Fenêtre, je vois paraître les mots incertains. À ma fenêtre, étoiles de maître, fusées au fusain. Et voilà à quoi ça tient quelquefois. Aime la naissance des nuages, aime tout ce qui est aux abois. Ultraviolet du langage, une histoire qui veut passer par toi. Aime l'adolescent fermé, aime la jeunesse qui s'ignore. Aime le chercheur de trésors qui ne sait même pas encore trouver. Dire des sentiments qu'ils deviennent frais même un moment. Croiser des personnages de romans, une violon de celle des autres. Ouais, ouais. On dirait que le micro fait sursauter. Ça intimide peut-être certaines personnes. Ouais. Non, mais pas les gens qui sont invités, les gens qui passent. Ah oui, ah d'accord. Étrange, hein? Ah, ça, oui, sûr que tu places un flingue, tu mets ça là, ça peut passer inaperçu. Un micro, là, c'est... Ouais. Enfin, on n'est pas au Texas quand même ici, tu vois, ça va. Non, pas encore, pas encore. Non, ça viendra pas. Ça viendra pas, je te souviens. Non, pas ici, non, okay. Ça viendra pas ici. Okay. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu regardes, c'est le regard des autres sur un objet qui me fait... Mmh. Ouais, je comprends. Qui me fait prendre conscience que ce n'est qu'un micro, mais en même temps, le micro est pour eux aussi... aussi comment dire, rebutant qu'un fusil. Bizarre. Il y a une chose qui s'est passée aussi depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Oh, voilà. C'est que nous avons eu plein d'événements politiques. Oui. Puisque Trump a été élu, ici oui. Macron, etc. Il y a eu beaucoup de bouleversements, je trouve. Bon. avec des campagnes électorales qui étaient des fois très très tendues. Les gens ici étaient vachement à cran, quoi. J'étais surpris par la violence des échanges, surtout derrière l'écran. Les gens disent n'importe quoi, enfin, écrivent n'importe quoi. Après, peut-être ils regrettent, mais sur le moment, ils écrivent des choses très violentes. Moi, ça m'a posé beaucoup de questions, tout ça. Et moi, j'étais très fan de Bernie Sanders aux États-Unis. Je le suis toujours, d'ailleurs. J'étais très inquiété, quoi, et encore aujourd'hui par plein de choses que je vois, par le président turc, la Turquie a l'air de dériver vers un état un peu dictatorial, la prolifération des fake news, le fait que les gens retransmettent tout et n'importe quoi sans vérifier, etc. Je trouve qu'il y a une espèce de confusion, voilà, je trouve qu'il y a qui a peut-être toujours existé, mais je trouve que là, elle est flagrante. Mais le flux médiatique, c'est un peu à cause de la faute de CNN au départ. CNN qui était la première robinet, quoi. Télé à laisser un flux d'informations tout à fait non fondé, tout à fait factice. Plus ça peut amener d'audimat, mieux c'est. Moi, la pire image que j'ai, c'est un enfant qui est en train de sombrer dans un sable mouvant. Ah, bien sûr. C'est épouvantable. Les caméras étaient là pour montrer. C'est absurde et tout à fait cauchemardesque. Écœurant. C'est écœurant. Et en fait, ce qui est écœurant, on peut voir ça comme ça, c'est pas les journalistes qui filment, c'est les gens qui regardent. Oui, mais j'ai entendu parler de cette histoire. Mais il y a différentes choses. Ou des décapitations aussi. Moi, je ne veux pas voir ça. Mais moi non plus. Je refuse d'avoir du temps de cerveau disponible pour ça. En même temps, bon, si on évoque ça, on va nous parler de censure. Et si on commence à censurer, ouais. Oh non. Quel est l'intérêt de montrer quelqu'un qui se fait trancher la tête? Oui, c'est journaliste. Ça. Mais tu sais, il y a toujours eu une fascination pour pour l'obscénité de la mort. Ouais. Parce que quand les décapitations ici en France, quand elles avaient lieu en place publique, c'était encore dans, il y en avait encore dans les années 60, si je ne m'abuse. Ouais. Il y avait des gens qui venaient voir. Oh oui. Tu comprends? C'est un spectacle. Ah, c'est comme... Je suis à leur téléroman à eux. Hein. Aujourd'hui, c'est à la télé. Ils se donnaient un frisson, ils se donnaient quelque chose d'un peu... Ils se coltinaient avec l'image de la mort, comme ça. Moi, je ne comprends pas. Personnellement, pour moi, ce n'est pas du tout un spectacle. Moi non plus. Ça me dérange un peu. Ah oui? Ça me dérange. Je ne sais pas si je pourrais être ami avec des gens qui vont voir des décapitations. Hey, je vais te raconter une belle histoire. Il y a M. Pinard qui est un homme de radio, de télévision chez nous. Daniel Pinard. Et rapidement comme ça, il y a un humoriste québécois qui fait une émission de variété, un quiz de variété, et qui avait pointé Pinard en le traitant de grande folle. Et lui s'est levé et en a parlé à la télévision. Et ça a fait beaucoup parler dû au fait que, sous le manteau, on peut discuter dans un café de la vie de quelqu'un comme ça pour le plaisir de parler. Mais de là, de prendre le médium de la télévision et de l'utiliser pour visser quelqu'un, c'est abominable. C'est abominable. Et donc, l'histoire de ce gars-là, c'était la parenthèse, il était ami, je ne sais pas à quel endroit dans le monde, mais en tout cas, il était ami avec un homme qu'il voyait régulièrement, et bon, il allait prendre le café, tout ça, ne sachant pas son travail. Au bout de 3 années, il a appris, comme ça, là, en prenant un café, qu'il était bourreau. Cet être qui avait un sourire, qui parlait, qui avait l'air tout à fait normal, était bourreau. Le matin et l'après-midi, il tuait des gens. Puis le soir, c'était un autre, c'était le citoyen. Alors on ne sait pas ce que l'autre est dans... C'est assez fascinant ce qui se passe dans la tête des gens. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un? Mais c'est un boulot pour lui. D'un exécuteur? Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une personne comme ça? Pour dire à un moment donné, voilà, l'horaire de bureau est terminé, je vais dans la vie, je vais caresser des prendre chatons. Un café, prendre un café et discuter avec M. Pinard. Tu vois, c'est étonnant. Moi, je trouve ça intéressant, en tant que presque entomologiste, quoi, en tant que psychologue, je me dis, ça m'intéresse. Ça ne veut pas dire que ça me plaît, mais non, ça m'intéresse. C'est curieux, le genre humain. Ah oui, plein de surprises. Ah ouais. Alors, je t'ai amené un autre album, je voulais te dire. Oui. Regarde, c'est Emma Solal. Ah oui, ok. Alors, ça, c'est son album de reprise de Françoise Hardy, qu'on a enregistré chez moi, à la maison. Oh. J'ai donné quelques idées en passant sur quelques chansons. Pas sur tout, parce que sinon, les arrangements ont été faits par Paula Birachet et Philippe Istria. Est-ce qu'elle le sait? Les musiciens. Oui. Et puis hein? Est-ce qu'elle le sait? Est-ce qu'elle le sait, c'est-à-dire? Ben, il y a Françoise Hardy. Ah, Françoise, oui, oui. Ok. Oui, oui. Oui, parce qu'on lui avait écrit avant. J'avais envoyé... Elle a dit oui? Oh, elle a dit, faites ce que vous voulez, tu sais. Elle, il y a beaucoup de... Elle a... Merci. Elle est très distancée par rapport à ces choses-là, parce que, d'une part, elle ne peut pas l'interdire vraiment. Donc, nous, c'était une forme de politesse par rapport à elle. Elle n'a pas de droit. Ses droits d'auteur ne sont plus valides. Mais les droits, non, mais ils le sont. Simplement, tous les droits d'auteur qu'on a sur cet album de Emma, ils sont payés. Okay. Ils ont été payés à la SACEM, les auteurs touchent ce qu'ils ont à toucher, voilà. Donc, même si tu revisites une chanson de Françoise Hardy et tu la mets à la sauce punk, elle ne peut pas refuser. Il faudrait vraiment que trahir totalement l'esprit de la chanson pour qu'un auteur, un compositeur se retourne contre toi et dise non, là attendez, ça va pas du tout. Okay. Et effectivement, il y a eu des cas de figure comme ça de détournement de chansons parce que le sens était détourné. Et notamment, il y avait eu une version, je me souviens d'une histoire lamentable où la ballade des gens heureux de Gérard Lenormand avait été détournée par des gens d'extrême droite d'une manière obscène. Très embarrassante, vraiment. Je veux dire, c'est tu l'as déjà entendu? Je ne l'ai pas entendu, j'ai vu j'avais entendu parler de l'histoire, j'avais vu le titre modifié, j'avais vu le contenu. Mais ce n'était pas l'intégralité de la chanson, ça a été Le texte était détourné. Comme Noir Désir, à un moment donné, lorsque Cantate a été jugé et incarcéré, un groupe avait utilisé une chanson pour descendre tout. Donc, et là, le Normand, à juste titre, avait dit, non mais attendez, ça, c'est pas possible, là on arrête tout. Comme disait Gagbo, faut pas déconner. Non, parce que il y a la parodie, il y a le... Tu peux tourner autour d'une œuvre, mais... La parodie, oui, j'ai rien contre. Quand ça commence à toucher l'extrémisme... Ah non, mais tu peux pas salir les choses comme ça, à ce point-là, ça c'est pas possible. Il y avait vraiment de la saleté là-dedans. Donc non, Emma a tout à fait le droit de faire ses reprises. Okay. D'autant c'est dans le respect, surtout c'est dans le respect. C'est une vraie relecture, c'est-à-dire que ce n'est pas un copier-coller, et ça fait vivre les chansons. Donc tout le monde est content. Ouais. On a eu un mot de Diane Pell, très gentil, parce qu'il y a faire à nouveau connaissance sur cet album. Ah oui. Et Diane... Sur le disque que j'ai. Oui. Et Diane a écrit très un petit mot. Ça. Ouais, j'adore. Très beau titre. Ah oui, en plus, alors j'étais content parce que j'ai insisté pour qu'il soit sur l'album. Parce qu'il est très difficile à jouer, il y a beaucoup d'accords, tout ça. Il est pas, tu ne peux pas l'aborder comme ça en deux minutes, tu vois. Faut le bosser, quoi, vraiment. Et puis en plus, il fallait le faire tenir avec trois instruments, c'est-à-dire guitare, percussion et un tout petit peu de clavier, mais genre quelques notes. C'est ça l'enjeu. C'était pour que ce soit pareil sur scène. Donc. Là, tu vois, c'est une chanson qui fait presque 5 minutes. Pour la développer, pour qu'elle ait du répondant pendant 5 minutes avec ça, fallait se creuser un peu la tête. Ce qu'on a fait, je pense que c'est réussi. Mais c'était très cool, tu vois, Diane, elle a écrit, elle a dit « Ah, super, je suis content de découvrir la version, quelle jolie voix, dadada. » paroles s'envolent. Je viens comme un oiseau inattendu et chaud me blottir dans tes mains. J'aperçois mon futur levant sur ma figure mes paroles de demain. Et des fois, il est arrivé que dans des chansons, des musiciens nous disent « Ah, elle est bien cette suite, d'accord, là t'as fait ci, t'as fait ça, là, oui d'accord, je vois ce que t'as fait, etc. » J'ai dit « Ok, très bien, moi je savais pas. » Eux te racontent le solfège de, oui, c'est de ça. Tes pièces, hein? Oui, c'est ça, moi la j'en avais. La partition musicale, et toi tu peux pas, est-ce, ben, tu peux quand même lire une... Non, je ne sais pas lire une partition. Okay. Pourtant j'ai essayé, je veux dire, j'ai essayé d'apprendre à écrire la musique, etc. et tout, ça me tombe des mains. Mais comment tu fais pour recréer ça sur scène? Tu prends les sons? Oui, et puis tu sais, moi ma mémoire est visuelle, c'est-à-dire que ce que je joue, c'est mes mains qui savent le jouer, c'est la mémoire presque de danseur, quoi. Non, c'est les gestes des mains dont je me souviens. Je t'avais envoyé des vidéos de Claude Léveillé, c'est un net aussi qui pourrait pas lire les textes. Non, les partitions, tu m'en as parlé, mais non, j'ai pas eu de problème. Oui, je les ai vues, c'est Diane Dufresne et Claude Léveillé. Ah oui? Je te l'ai envoyé. Ah, c'est vrai? Oui. L'an dernier? Oui. Bon, il faut que je le regarde alors. J'ai vu les vidéos que je t'ai envoyées. Oh là là, tu vois, en un an, j'ai eu le temps d'oublier. Zut, c'est alors. C'est pas grave, c'est pas grave. Hey, j'ai 10 questions que j'ai hâte de voir. Mais en fait, l'évolution des questions, parce que ça fait 3 fois que l'on s'entend, presque à une année d'intervalle. Ça t'a pas pris ouais, ça, hein? Ouais. Une année d'intervalle. Et j'adore. Et c'est les mêmes questions, mais l'intérêt à chaque fois que je les réécoute, c'est pas les mêmes réponses. Ah ben oui. L'évolution. C'est bon signe. Ben oui, c'est bon signe. Si tu étais un liquide. Un liquide? Ben ça sera peut-être toujours le même. Moi, je dirais du thé au jasmin. Ouais, ouais. Ça c'est le plancher. Oui, alors, j'ai découvert un truc en Corée, le omija. Ça, c'est très très bon. Alors, le omija, c'est une petite baie coréenne, parce qu'on la trouve que là-bas, en fait. Ça pousse que en Corée, puis la région adjacente de Russie. Un tout petit peu sur l'île de Hokkaido, au nord du Japon, mais c'est tout. Et on ne peut pas la consommer comme ça parce qu'il y a un gros pépin et pas beaucoup de chair. Par contre, ils font des décoctions avec, des infusions, des autres choses. C'est une plante très importante dans la médecine traditionnelle chinoise. Ils l'appellent la plante aux 5 saveurs. Donc, qui, dans leur façon de penser la médecine, est très complète, puisqu'elle contient l'acide, le sucré, le poivré, le salé, enfin la mer. Elle contient toutes les saveurs, la feuille, le fruit, tout. Et donc, on fait en Corée, j'ai découvert ça, j'adore ça. Donc maintenant, allez, on va dire omija, parce que vraiment, ça, c'est incroyable. C'est une espèce... Alors, ça a été modifié, là, c'est plus... Voilà, okay. Là, je change en hommage et en remerciement à ce pays qui nous donne beaucoup. Voilà, je deviens un omija. Alors, je viens d'en voir pour la première fois au Kmart, rue Sainte-Anne, assez cher. Bah oui, mais moi, j'en avais ramené de Corée. Les douanes ont laissé passer ça? Oui. T'as pas le droit d'amener des fruits, légumes? J'ai pas ramené la baie elle-même. Cela dit, si une fois j'en ai ramené, c'est cher. Ça passait au doigt? Oui. Si tu étais une ville? Une ville? Mais en sachant bien, on va revenir, en sachant bien que tout ça aurait pu être refusé au doigt, tu as quand même pris le risque? Oui, j'y ai même pas pensé. Ah? Non, j'y ai même pas pensé parce que tu sais, les gens à la douane en France, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils vont chercher les produits de luxe essentiellement. Ils vont chercher les devises, les trucs. Donc moi, avec ma bouteille d'omija, tu sais, J'étais un petit joueur, hein, ça n'aurait, j'aurais pas... aussi la drogue. Oui, la drogue, oui, c'est vrai. Tu vois, j'y pensais même pas. Ah. Mais non, je prenais pas de risque. Non. Si tu étais une ville... Alors, une ville entière, Kyoto. Et des rites de ville. Et des morceaux de ville. Ben, ça pourrait être Sotchon, par exemple, ce quartier de Séoul que j'ai découvert l'été dernier et avec lequel je suis vraiment tombé en amour. Si je devais vivre à Séoul, c'est là que je vivrais. Est-ce que c'est des villes bruyantes? On vient d'entendre un camion. Non, beaucoup moins qu'ici, pour plein de raisons. D'abord, le parc automobile coréen est extrêmement moderne, donc les moteurs sont hyper silencieux, tout ça. Et les villes asiatiques sont organisées... Pour les vélos. Ouais, tu vas voir. Il y a quelque chose d'assez spécial. C'est vrai à Beijing, c'est vrai à Tokyo, c'est vrai dans les villes asiatiques que je connais en général. C'est-à-dire qu'elles sont traversées par des avenues qui sont comme des autoroutes, qui sont énormes, genre des deux fois quatre voies, enfin tu vois, des trucs, voilà. Voilà, ça c'est les grandes artères. Et ça traverse la ville et ça coupe des quartiers. D'accord. Et puis ensuite, tu as des toutes petites artères, comme des tout petits vaisseaux sanguins. Et là, donc, c'est hyper calme. Donc, il y a ce contraste entre la première fois que tu arrives à Shanghai, à Taipei, tout ça, tu dis, oh, quand même, c'est un peu des autoroutes, tout ça, ça fait un peu à l'américaine, mais pas dans le bon côté, tu vois, un peu post-apocalyptique. Et puis, en fait, tu te rends compte que c'est pas mal leur truc, c'est-à-dire qu'il y a des endroits pour la circulation des voitures. Voilà, et là ça circule et c'est comme ça. Et puis il y a des endroits vraiment des pâtés de maison comme les Hutong de Pékin qui sont vraiment conçus, pensés pour le piéton. Donc où là, une voiture peut passer, oui, comme ça, tiens, mais t'as le pas respect du... et pour les piétons. Ouais, c'est ou ça. Ou les vélos peut-être aussi. Oui, et puis même, tu vois, c'est plus contrasté. Alors qu'à Paris, on a. La circulation automobile se fait partout, c'est tout le temps. Même sur les trottoirs. Oui. Donc, je sais pas, j'aime bien ce principe là-bas, finalement. Il y a des endroits qui sont sacrifiés pour la voiture. Voilà, c'est comme ça, ça sert, c'est utilitaire. Et puis, c'est réglé. Et puis après, on est tranquille. Si tu étais une langue. Si j'étais une langue... Il faut une seule réponse, ouais, c'est ça le problème. Alors j'ai envie de dire l'anglais, c'est parce que finalement c'est ce qui m'aura le plus servi. C'est-à-dire je crée en français et je suis très attaché au français pour la création, parce que j'aime la musique des mots, le sous-texte, les choses. Mais si j'étais mauvais en anglais, si je ne parlais pas anglais, je n'aurais pas pu faire voyager mes chansons en français. Ah ouais, ben ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand je parle avec le tourneur en Chine, quand je parle avec le label à Taïwan, en Corée, etc., c'est en anglais. Ouais. Ils sont ouverts à la francophonie. Ils ont envie d'avoir ça. Tant mieux, je m'en réjouis. Mais si je n'avais pas parlé anglais, les choses n'auraient pas été possibles. Ou alors plus compliquées. C'est-à-dire que j'aurais dû faire appel à quelqu'un pour communiquer avec eux, etc. Tout. Donc, pour une fois, j'ai envie de dire l'anglais pour changer, parce que c'est quand même l'agent de liaison. Et ne m'a aucunement empêché de faire ma création en français. Ouais. Au contraire. Voilà. À ce jour. C'est pour représenter tes chansons, pour être compris. C'est comme un passeport. Ouais. Voilà, ça ne change pas. Ce que je suis profondément, mais c'est mon passeport finalement pour permettre à ces créations francophones de voyager. Si tu étais une époque. Si j'étais une époque. Oh. J'ai pas une fantaisie sur une époque ou une autre en fait. C'est-à-dire, je voudrais être sur une époque paisible en tout cas. Sur le nouvel album, la chanson Parenthèse, je me souviens pas exactement, mais elle dit un truc. C'est alors, est-ce que c'est toujours une parenthèse, finalement, les périodes entre deux dictatures, entre deux guerres, entre deux. Donc, essayons de profiter des moments où on se prend pas des bombes sur la gueule, où on n'a pas des fous dangereux au pouvoir, on n'est pas pris au piège de l'histoire. Voilà, une période paisible. période paisible. Si tu étais un mot. Un mot? C'est compliqué parce que souvent les gens à qui tu vas poser cette question, ils vont te répondre non pas par rapport au mot lui-même, mais par rapport au concept qu'il représente. Ouais. Par exemple, bonjour. Bonjour. Ils vont te dire « Ah, j'aimerais être le mot liberté » ou quelque chose comme ça. Oui. Alors qu'en fait, ils ne te parlent pas du mot, ils te parlent de la chose. Alors, si on veut parler du mot vraiment, du mot lui-même, ouais, toi, tu veux dire que c'est la représentation. Térébenthine. Pourquoi térébenthine? C'est la consonance. Non, tu vois, je suis encore en train de me tromper parce que, par rapport à ta question, parce que je pense à l'odeur. Okay. J'adore l'odeur. Donc, tu vois, c'est pas ça, le mot lui-même. Mais le mot est joli. Le mot est joli. Parce que si tu dis térébenthine et t'enlèves le concept, tu enlèves la représentation, tu vois, tu prends juste le mot. Oui. Ça pourrait être un insecte un peu étrange, oui. Ça pourrait être un oiseau. Oh, regarde une térébenthine, Sandré. Oui, oui, oui, oui, je comprends. Pourrait être un instrument de musique. Oui. Bon, moi, c'est un album que j'ai composé à la térébenthine, en do majeur. Oui, exactement, oui, oui. Ah, ça peut être intéressant. Puis même une ville. Comme térémine, tu vois, ça pourrait être térémine. Oui. Il y a une porte sans verrou. Dieu sait vers où elle mène. Je remercie beaucoup le bon vent qui m'y amène. C'est une porte qui me suit. On dirait qu'elle pousse comme une plante. Là où je vais, là où je vis, étrange et attirante. Une question importante. Juste derrière, c'est la mer, c'est midi, ou le cœur de la nuit. Il y a une porte sur la plage, sans un seul mur autour. Est-ce que c'est un message, une sortie de secours? Il y a une porte sans verrou. Tu sais faire où elle mène. Je remercie beaucoup le bon vent qui m'y amène. Il y a une porte sur la plage, sans mobile apparent. Est-ce que c'est un passage pour la lumière et le vent? Il y a une porte sans verrou. Dieu sait vers où elle mène. Je remercie beaucoup le bon vent qui m'y amène. Sans mobile, un parent. Est-ce que c'est un passage pour la lumière et le vent? C'est un passage pour la lumière et le vent. Vous écoutez Errance Rénaldienne sur CKRL-LF, le 89.1 à Québec, avec Rénald Gagné. Nous serons si heureux. ciel bleu et la force de l'âge. Écorché au genou, dommage, dommage que ce ne soit pas ensemble. Dommage, dommage, peut-être il me ressemble, mais ne dis rien du tout. Nous jouerons bien le jeu, laisserons des messages de silence entre nous. J'étais dans les quartiers sud de Térébenthine. Ça serait... Non, mais juste pour rigoler, deux personnes très sérieuses à une table pouvaient se lancer dans cette... Oui, c'est ça. Ouais, un pays, vous êtes de quelle nationalité, mademoiselle? Térébenthine. Oh, je suis Térébenthine. Oui, c'est ça. Une république des Balkans. Ah, c'est bon. Parce que, en fait, t'inventes... Et c'est le jeu ludique. Voilà, donc le mot est pas mal. Le mot est pas mal. Il se prête à différentes choses. Oui. Et en plus, c'est la première fois qu'on l'utilise, bravo. Mais Térébenthine, c'est pas courant. Pour les peintres, oui. Oui, oui, pour les peintres. Oui, c'est vrai, pour les peintres. Mais un peintre, peut-être, doit parler de couleurs avant même de parler de produits que l'on utilise pour nettoyer les pinceaux ou pour les. Térébenthine. Alors, si tu étais un aliment. Un aliment? Une térébenthine. Ben, c'est ça. Mais oui, oui, oui. C'est les meilleurs. Ben oui. Mais d'Alsace, hein, je te conseille d'Alsace. Ah, c'est un peu lourde, peut-être. Oui, ben, non? Ben, un petit peu pour l'hiver. Oui, exact. C'est corsé, mais. Pour l'hiver. Ouais. Un aliment. Qu'est-ce que j'aime beaucoup J'aime beaucoup la cuisine japonaise, ben, oui. Et italienne en Europe. Pourquoi tu dis italienne en Europe? Parce qu'italienne aux États-Unis, c'est de la merde? Non, non, c'est pas ça. C'est parmi les cuisines européennes, la cuisine italienne. C'est ce que je voulais dire. Non, non, parce qu'en plus, il y a d'excellents Italiens à New York. Je sais pas. En tout cas, on va dire des herbes aromatiques. Par exemple, la coriandre, par exemple, le basilic. J'ai fait pousser chez moi. Ah ouais? Ouais. Génial. Et j'ai hâte de voir après mon retour. De quoi? T'as quoi comme herbe? J'ai de la basilic, j'ai du persil. Ah, c'est bien, oui. Persil. Et puis la menthe. Ah, la menthe, ben oui, ouais. Voilà. Ce genre de choses. C'est un trésor. Toutes ces herbes, c'est fabuleux. L'estragon, c'est fabuleux. C'est original, l'estragon. Ouais. C'est vraiment... Et en fait, moi, j'ai pris ce que j'utilisais le plus. Hein. Ouais. Dans une salade, tu sors à l'extérieur, tu vas déjà prendre... La marjolaine, la sauge. La sauge dans les pâtes. La térébenthine. La térébenthine. Oh, poivrée. Pas de salade. Oh poivrée, là là là. C'est vrai. Mais ça, c'est très peu connu, malheureusement. On l'utilise pas dans les recettes asiatiques. C'est pour les connaisseurs. Ah ben oui, comme nous. Voilà. C'est merveilleux. Moi, je te fais des sushis à la térébenthine. Oui. Ah oui? tu en manges qu'une seule fois. Oui, c'est ça. Oui. Des comme ça, on en mange qu'une fois dans sa vie. Oui, on prend celui qui a beaucoup d'argent pour faire des albums, les prochains albums. Je vais te faire un mets à la térébenthine. Mais alors moi, je suis surpris des fois parce que je vois des collègues qui font des financements participatifs, tu sais, qui demandent des sous pour leurs albums et qui demandent des fortunes. Je me suis étonné. J'ai vu passer des gens qui demandaient... des fois 50 000 euros, des trucs pour faire un album. Et moi, avec ça, j'en fais 10. Hein. Oui. Il faut dire que je... Mais est-ce qu'il va frapper à la porte pour remettre l'album lui-même? Oui, c'est ça. Non, mais je dis pas que c'est inutile. C'est-à-dire qu'effectivement, s'ils veulent avoir un quatuor à cordes, s'ils veulent avoir tel gros studio, tel machin, ok, ouais, ça a un coût. Il faut que ça marche quand même assez beau parce que c'est pas tout le monde qui peut donner autant. Oui, c'est ça. Non, mais ça a un coût. Les choses ont un coût, c'est vrai. Moi, je m'arrange pour faire des albums pas chers parce que je n'ai pas envie d'être... tenu par l'argent, mais je sais plus pourquoi je parlais de ça. Ben, parce qu'on disait que on pourrait amener des gens riches à manger notre mets. Oui, c'est ça. Mais tu vois, moi j'aime bien ne pas être tributaire trop de l'argent comme ça. Mm-hmm. C'est pas mal. Voilà. Excuse-moi. C'était. Non. Mais en parlant de térébenthine, ça vaut la peine. Si tu étais une saison. Alors cette année, disons l'été, parce que. Alors, l'été dernier, j'ai vécu des tas de choses intéressantes en Corée, donc le mec il radote. Mais c'est vrai. Mais c'est la térébenthine qui fait ça. Je te dis pas le quart de la moitié. Mais vraiment, c'était très riche. Et alors, parmi les différentes expériences que j'ai vécues là-bas, on m'a fait rencontrer un sadju. Un sadju, c'est un astrologue sur le modèle chinois, donc avec les cinq éléments et non pas quatre éléments comme dans notre logique occidentale. Et il fait le thème à la chinoise, hein, suivant l'astrologie chinoise. C'est cette façon-là de faire qui existe aussi en Corée et au Japon, voilà, qui a imprégné toute la zone. Et donc ce monsieur, moi j'avais jamais fait ça, et il m'a expliqué que mes éléments, les éléments par rapport à ma date, heure, lieu de naissance, tout ça, enfin vraiment c'était sérieux, j'avais deux fois l'élément métal et deux fois l'élément eau. Donc c'est un peu comme un miroir, quoi. C'est-à-dire que, mais ça me correspond bien parce que j'avais écrit un truc qui s'appelle la douceur du métal avant qu'il me dise ça. Donc je me suis dit ah oui, ça me parle. J'ai l'impression que si je peux être très très doux si on me caresse, c'est-à-dire si on est gentil avec moi, je peux être d'une douceur incroyable comme de l'acier poli, tu vois. Mais par contre, si on frappe, les gens se font très mal. J'ai même rien de spécial à faire, c'est comme ça, quoi. Voilà. Et donc ces éléments me parlaient. Et il m'a dit, la logique chinoise, c'est toujours d'équilibrer les trucs. C'est-à-dire que si tu as beaucoup de métal et d'eau, par exemple, il faut équilibrer avec quelqu'un qui va avoir du feu. Ok, c'est des rencontres. Oui, voilà. C'est-à-dire que tu dois chercher l'équilibre. C'est la logique du Tao. Il me dit, par exemple, vous avez intérêt à chercher le feu, à chercher les éléments feu. Alors donc ça va être vivre tourné vers le sud, être dans un pays chaud, ça peut être vivre avec quelqu'un qui a l'élément feu très fort. Mais comment tu peux savoir si l'être aimé est feu? Ça on s'en rend compte, je veux dire, moi j'ai souvent travaillé avec des gens, regarde Elsa par exemple, elle est lion, elle a beaucoup de signes de feu, donc ça c'est dans la vision occidentale des choses, mais je pense que dans l'astrologie chinoise elle est pareille. Et c'est vrai qu'à nous deux, on fait un bon équilibre, parce qu'elle est beaucoup plus extravertie que moi, sur scène notamment, elle a beaucoup plus d'assurance, et donc on a un bon binôme. Moi, je lui donne une espèce d'assise, de cadre, de structure, et puis elle, au contraire, elle peut être, tu vois, plus tournée comme ça, vers la représentation, la performance. Pour schématiser, c'est le yin et le yang, sans trop rentrer. Mais c'est ce sens de l'équilibre qui imprègne toute la culture, la pensée chinoise, qui hérite du confucianisme et du Tao, c'est ça, c'est l'équilibre du yin et du yang, mais qui se joue aussi au niveau des cinq éléments. Voilà, donc on m'a dit qu'il faut aller vers le feu, et donc l'été vous est favorable. Le mec m'a dit d'ailleurs, il ne savait pas ma vie, on ne lui a pas expliqué ma vie et tout ça, il m'a dit vous avez plus intérêt à travailler ici en Asie, ça vous sera plus profitable, il faut que vous vous installiez dans un pays chaud, même la Corée c'est trop au nord, il faut que vous soyez à Taïwan, un endroit comme ça, ça sera très bénéfique pour vous, etc. C'est-à-dire, voilà, je dois ajouter à ma vie une donnée extérieure, et cette donnée extérieure, si je résume, c'est l'été. Oh. Alors, si tu étais un membre corporel? L'œil ou l'oreille? Les deux. Je suis en train de réfléchir à ce dont je pourrais me passer le plus. Et je crois qu'à la limite, ouais, c'est ça, je pourrais à la limite me passer des yeux. C'est-à-dire que si ma vue décline un jour, je serais plus heureux d'avoir conservé une bonne ouïe, quand même. J'ai hésité parce que dans la vie quotidienne, tout est fait pour les yeux. Les enseignes, la vie est faite pour les visuels, les écrans, la domination des écrans. Sauf que, sans doute, lorsque tu n'as plus la vision, tu développes autre chose. Oui, c'est mais certain. Quand ça arrive tard dans ta vie, c'est plus difficile. Ah oui, à la naissance, c'est autre chose, effectivement. Si tu étais un moment de la journée? J'ai déjà dû te répondre ça. La frontière entre le sommeil et l'éveil. Parce que c'est un moment très inspirant, un flottement de l'être. Est-ce que tu peux contrôler? Non. Ah non? Mais je ne cherche pas. Dors-tu beaucoup, toi? Est-ce que tu dors beaucoup? Par crise. Des fois, je peux hiberner, je peux être un chat, oui. As-tu des difficultés à dormir? Pas du tout. Heureusement, d'ailleurs. Ouais. Parce que je connais une personne qui est terriblement insomniaque, mais je veux dire, un point grave qui met sa santé en péril, ouais, quoi, vraiment. Et qui en souffre beaucoup. Oui, moi c'est mon cas. C'est vraiment? 4 heures par nuit. J'ai dormi là, depuis jeudi dernier 20 heures. Qu'est-ce qui t'empêche de t'endormir? Ben, de un, chez moi, je prends de la médication pour dormir, mais non pas sous prescription. C'est en officine. Donc, ça m'aide un peu à dormir. Oui. Mais quel, aussi, je ne l'ai pas amené. Quelle est la chose qui fait que ton cerveau ne veut pas se débrancher? Ben, non, je dors, mais je dors 3 heures, 4 heures, parce que je me réveille, puis je suis capable de me rendormir. C'est fou. C'est fou. Et puis après, ben, une fois que je suis réveillé, ben, c'est là. Tout arrive. Et le manque de sommeil, ben, aussi, une chose qu'il ne faut pas oublier, j'ai été 27 ans à travailler de nuit. Ah oui, ah ben. 27 ans à travailler de nuit, donc des fois je dormais par semaine 12 heures. 12 heures, c'est pas beaucoup. Pas beaucoup. C'est très peu. À moitié seul avec toi, à moitié seul dans ta vie. Rivière gelée sous mes pas, au plus profond de la Russie, les couleurs sur un palin. Je sais que tu n'apprécies pas les mêmes que moi, même quand tu dis moi aussi. Tout ne se partage pas, tout est inondé de non-dits. Ce qu'il y a, l'idée s'évanouit, car le soleil ne parvient pas à des endroits très enfouis. À la surface, je vois les rayons réfléchis. À moitié seul, ce n'est pas un sentiment bien précis. Mais dans le même cinéma, tu t'es fermé quand je souris. Les gens ne se parlent pas, vraiment c'est juste du bruit. Et pour qui j'écris cela, les mots n'ont pas la même vie. Je ferai ce que tu voudras, à moitié seul, à demi. Insaisissable, il y a comme un monde qui s'enfuit, comme un monde entre toi et moi. C'est plein de sens interdits. Vous savez, Blanche Dubois est une très bonne amie. Thank you. J'ai... Ça ne s'explique pas. Je vais te dire un truc très bizarre. On est arrivé à Nanjing, pour une tournée avec Elsa. Il faut savoir qu'à Nanjing, en décembre, peu avant la fin de l'occupation, il y a eu un massacre épouvantable. C'est-à-dire que les soldats japonais ont fusillé un nombre invraisemblable de gens. Genre 300 000 personnes. Mais tu dis, mais comment ils ont fait? Enfin, c'est surréaliste. Tu vois? Donc, à Nanjing, les Japonais, tu vois, ça a laissé une empreinte terrible. C'est une espèce de Dorado sur glane, puissance 10 000. Quoi. On est arrivé là-bas avec Elsa. Notre petite tour manageuse, l'islotte chinoise, va à l'entrée de l'hôtel et nous dit, bon, je m'occupe du check-in, je m'occupe de l'enregistrement, voilà, reposez-vous, je fais ça. Et immédiatement, elle revient vers nous et elle dit, ah, l'hôtel me dit qu'ils n'acceptent pas les étrangers. Je lui dis, bah, t'avais fait les réservations avec nos noms, tout ça, comment ça se fait et tout. Elle dit, oui, t'as raison, c'est vrai, j'avais donné vos noms, on voit bien que c'est des noms étrangers, j'ai allé retourner. Voilà. Et puis, là, tout va bien finalement. Elle nous dit, non, mais en fait, c'est seulement les Japonais. Donc, en fait, l'espace d'un instant, dans le hall de cet hôtel, j'ai été considéré comme un Japonais. Alors que mon nom n'a rien de japonais, visage n'a rien de japonais, etc. Les vibrations étaient japonaises. Mais c'est incroyable. J'avais pas une valise avec marqué Kyoto dessus, J'avais aucun. J'avais pas le drapeau du Japon aucun signe. Alors ça fonctionnait uniquement aux vibrations. J'étais là, assis dans le lobby, et pendant un moment, ces gens de cet hôtel de Nanjing ont dit non. Voilà, c'est des choses comme ça. La vie te donne ça, te met ça dans les pattes. Qu'est-ce que tu fais avec? C'est comme un petit collier, petit réseau de trucs. Que tu assembles, que tu essaies de décortiquer, que tu laisses aller et que tu... Oui. Histoire de s'amuser, quel chanteur, selon toi, serait aux antipodes de Pierre Fort? Ou chanteuse? Oui, je sais pas. Peut-être quelqu'un qui est dans une expression qui serait vraiment très, très uniquement sur le corps, uniquement parce que moi je suis plus cérébral, et donc quelqu'un qui serait vraiment dans une forme d'énergie très, très terrienne, très corporelle. J'ai pas un nom qui me vient à l'esprit. Il y en a beaucoup. Quand tu parles de représentation, normalement, ce qui incite un chanteur à chanter, c'est de se montrer, non pas la majorité, là, et non pas de laisser une empreinte intellectuelle. Mais moi, je ne cherche pas à laisser une empreinte, tu sais. Ce serait un peu prétentieux de dire ça. Ce que j'aime bien dans la création, c'est le fait d'inventer des chansons. Mm-hmm. C'est ça, c'est et la de partie. De faire rêver les gens aussi. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que la partie performance m'intéresse moins parce que je ne suis pas nourri aux applaudissements. On peut dire Elvis Presley? Si tu veux. Rapidement, comme ça. Si tu veux. S'il faut placer un nom? Bah oui, c'en est un parmi d'autres. Mais encore, là, il y a certaines de ces chansons, des musiques que je trouve super. Non, vraiment une musique à laquelle j'ai beaucoup de mal à me raccrocher, par exemple du heavy metal. Ok. Tu vois, je trouve que chez Elvis, il y a quand même un fond de romantisme, il y a quand même un fond de douceur. Le heavy metal, c'est vraiment aux antipodes de Pierre Fort. Le rap aussi. Ok. Le rap, alors, je dirais encore plus le rap. Tu sais pourquoi? Parce que même dans le heavy, il peut y avoir une certaine science harmonique. Il peut y avoir des choses qui ont une violence sonore. Ouais. Mais une mélodie. Qui sont un exutoire. Ouais. La musique est un exutoire, ce qui peut être très bien, ce que je critique pas. Mais où il y a quand même une construction, une structure harmonique. Alors que dans le rap en général, pas du tout. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur un beat, comme ça, et un phrasé par-dessus. Ce qui est de l'art. On déclame. Oui, c'est ça, c'est de l'arte povera, quelque part. C'est une musique de gens qui n'ont pas des tonnes d'instruments à disposition et qui inventent une forme musicale avec ce qu'ils ont. C'est super. Et je pense qu'en termes d'influence, c'est très important. Donc, je n'ai aucun dédain, que ce soit bien clair, aucun mépris. Mais Voilà, je ne peux pas écouter un album de rap, je m'ennuie. Vous êtes à des kilomètres. Oui, parce que il me manque une donnée essentielle qui est celle de la mélodie, qui est celle d'enchaînement harmonique. Les mots qui créent cette mélodie-là, la césure, la... C'est trop... Non, c'est parce que c'est monocorde. Ok. À choisir, est-ce que tu ferais le même chemin? Non. Non. Ce qui ne veut pas dire, j'ai pas fait d'horreur, j'ai tué personne, j'ai pas d'énormes regrets, c'est pas ça. Mais par contre, j'ai souvent perdu du temps avec, en ne croyant pas que j'étais capable de faire des choses. Par exemple, quand je me suis mis à enregistrer le premier Paper Moon vraiment en 2007-2008, en fait, j'aurais pu le faire plus tôt. J'ai hésité, je pensais pas que j'allais me débrouiller avec les machines, avec Logic, tout ça. En fait, je m'en faisais une montagne. Non. Donc il y a des fois vraiment, disons que je pourrais accélérer un peu le processus. Il y a certains moments où tu es obligé de subir, où tu es obligé d'attendre, d'attendre la rencontre, d'attendre des trucs. Et puis il y a d'autres quand même où tu as des choix, où il y a des choses qui sont à toi. Et là, oui, là je referais, j'accélérerais certaines choses. Mais t'es pas l'homme aussi qui est comme ça, qui prend le temps. Mais ça dépend pourquoi. Ah ouais? C'est à différentes vitesses. Okay. Le temps de la création, il est libre. Les choses viennent. Tu peux pas les forcer complètement. Tu peux avoir une gymnastique de travail, mais tu peux pas forcer l'inspiration. Ouais. Par contre, après, dans le rapport avec le monde matériel, avec le monde extérieur, non, là, il faut prendre les choses en main parfois. Et c'est là que parfois j'ai été un peu attentiste, ou un peu dilettante, ou un petit peu déconnectée, un peu trop rêveur. Donc voilà, il faut mettre les choses à leur place. Il y a la création, il y a l'esprit du créateur d'un côté. Tu fais ta peinture, ta sculpture, ton... Et là c'est très bien, là il faut être dans l'errance, il faut être dans le flottement, ça ouvre beaucoup de possibilités. Et puis il y a un autre moment où il faut ramener ça. Si tu veux concrétiser un projet, il faut le ramener dans le monde matériel. Se dire, bon, pour un peintre, il se dit, qu'est-ce que ça va être mon exposition? Et ça, c'est et une ça, fois. C'est le côté bureaucratique un peu, là. C'est le cartésien. C'est le point d'accroche avec le reste du monde. Et là, ça, effectivement, j'ai pas toujours été très très pertinent, voire carrément à côté de la plaque. Et j'espère en avoir tiré 2-3 leçons et être. Parce que sinon tu peux finir par te gâcher, tu vois. Certaines, moi je connais des gens qui ont des idées fabuleuses, qui auraient pu faire des bouquins pour enfants, qui auraient pu être ceci, qui auraient pu être cela, et finalement qui ratent un petit peu, qui gâchent leur talent, je dirais, parce que ça reste toujours dans, dans une non-réalisation comme ça, un peu diffuse, un peu tout. C'est dommage. Je connais des gens qui ont un humour fabuleux et qui ne feront jamais rire une salle. Pourquoi ? Voilà, ça pourrait être donné, ça pourrait être. Ces choses-là pourraient être partagées avec le reste du monde. Et là, il y a une interface à construire. Et là, il faut accepter de descendre un peu du nuage. Et... Oui, mais il faut prendre des décisions et ces décisions-là ne sont pas faciles. Si tu as déjà un emploi, est-ce que tu veux te lancer dans l'humour et faire cavalier seul dans cet univers-là quand tu as un salaire qui entre à chaque semaine? Ah oui, il y a des décisions, c'est vrai. Donc, mais il y a des décisions tous les jours. Je veux dire, est-ce que je vais prendre la rue qui va à droite ou à gauche? Est-ce que je traverse ce que j'attends? Et tout le temps. Comme disait... comment il s'appelle, le Plastique Bertrand, est-ce que j'arrête ou je continue? Ah oui, oui. Ouais. Pierre, très heureux, à chaque année, c'est presque religieux. Oh, arrête. C'est religieux, j'adore. Non, mais j'aime. Non, mais j'aime mettre quelque Saint-Pierre prie pour nous. Oui, non. Ben, c'est ça, oui. Comme, c'est qui, l'humoriste qui dit... c'est Pierre, non, c'est pas des proches qui disaient... Seigneur qui est aux cieux, restez-y. C'est ça, oui. Non, non, moi, j'ai rien d'un saint, je te le dis tout de suite. Heureux de t'avoir revu. Non, mais moi, c'est toujours un régal, Reynald. Tu sais, je ne fais pas une émission pour dire de faire une émission, je fais parce que j'aime parler avec toi. Et c'est toujours, toujours intéressant. On revient chez soi avec d'autres idées parce qu'on brasse plein de trucs et ça ouvre l'esprit. Voilà, on n'est pas en train de dire des banalités. On n'est pas en train de vendre une salade non plus. Ben non, parce que en plus, si tu veux, là, j'ai même pas une actualité ou une autre et tout. Enfin, tu vois, j'ai pas. Non, c'est vraiment par plaisir. On devrait vendre notre nouvelle notre nouveau petit bébé, à Térébenthine. À Térébenthine, ouais. Oui. Alors, sur eBay, éventuellement. Oui, c'est ça. Il faut un bon emballage. Oui, ah ben oui, parce que ça peut fuir. Hein. C'est trop liquide. C'est trop liquide. C'est comme le vin, il faut attendre. C'est volatile. C'est très volatile, effectivement. C'est presque une structure de l'esprit. Ça l'est, oui. Ça l'est, oui. Et ça peut devenir ce que l'on veut. Bon, tu t'amuses bien avec cette émission. Ça fait combien d'années maintenant que tu l'as fait? Je ne sais pas. Sur les îles Borromée, dans un castel gothique en briques, m'a invité à prendre le thé. Sur les orchidées du Bengale, il m'a parlé en grand expert. Un autobus à impérial dans le jardin lui sert de serre. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.